En Corée, le complexe de minerais de Mosan a réussi le 4 au dynamitage de 400 000 mètres cubes. Ainsi, la zone des minerais bruts spacieuses a vu le jour pour envoyer des minerais de fer d'haute teneur aux sidérurgies et aciéries.